Lève la main pour tous les frères qui galèrent. Lève la main, c'est comme nous t'es du terre-terre. Lève la main pour tous les frères qui galèrent. Lève la main, c'est comme nous t'es du terre-terre. Plus de chance de béton que de gagner au kélo. Les grands jouent les Tony, les petits c'est Pequeno. Dans le ghetto, Big Mac et Ro dans un Clio. Les schlacks se fracassent pour abattre un client. Tu peux te faire abattre, pas un cum rabat. Tout peut arriver quand le prix de la vie est à débattre. L'heure est grave, la population dans le goût. Les épaves sont capables du pire pour un gramme de genou. Starbeat, c'est pas un film, c'est la réalité. Celle où le juge t'achève à coup de fatalité. Y'a rien d'idyllique quand le passé tue à la trace. Coma idyllique à force de boire la tasse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La base c'est un taudis. Ils nous mettent à l'écart comme si on était maudits. La poisse nous pourchasse au volant de sa Audi. Plus on part en couille et plus j'ai t'en applaudi. C'est la guerre, guerre, on va niquer des mères. Lève la roue arrière et fais péter le ZZR. Pour mes garçons qui représentent comme le frère de Vince. Pour le fils, s'envoie les couilles de ta justice. Pour les familles nombreuses, les braqueurs, les braqueuses, dileuses, passeuses, ceux qui montent, ceux qui osent. La passion des Miradors, Emira Tudor. C'est la relève des quartiers nord, Miracoup d'or. J'les entends tous ces baltringues rapper et se prendre pour des dingues. D'où l'on vient, on fait trembler le flingue. 7-5-0-1-8. Je crains, j'pose la mesure. Pour les vrais, ceux qui bossent, qui assurent. Les briques à source, voiture, qui roule à fond, on voiture. Ce soir, y'a pas pure. Sur un bleu, j'crache, la vraie, la pure, la dure. Oui, bâche, c'est des TI. Les vendeurs, fournisseurs, à la street. Explosif, comme une balle dans la tête d'un schmitt. Boum, j'explose la cervelle comme dans un cartoon. J'joue pas le ouf, j'fais peur, pire qu'un genou. Il suffit d'un clic pour que la balle quitte sa douille. Tu testes et ça se termine. Oh la ta ta ta ta douille. Qui t'a dit de nous qui teste vous? Tiens pas les deux bouts. Voilà. Qui finit à genoux. C'est la guerre, guerre. On va niquer des mères. Lève la roue arrière et fais péter le ZZR. Pour mes garçons qui représentent comme le frère de Vince. Quand le fils s'envoie les couilles de ta justice. Pour les familles nombreuses, les braqueurs, les braqueuses, dileuses, passeuses, ceux qui montent, ceux qui osent. La passion des Miradors, Emira Tudor. C'est la relève des quartiers nord, Miracoup d'or. Pour se requinquer, on court tous après le gain. À nos trousses, y'a les poulets, telle une armée de requins. La thune, comme la tisse, ça fait tourner le crâne. Hier, tu parlais en gras, maintenant, tu parles d'Espagne. C'est tout pour tout, ça grave, puis même la levure. Pour aller de l'avant, combien sont prêts à foncer dans le mur? Combien sont prêts à pioncer au ballon, à commettre l'illégal pour pas finir en dallo? Putain, que des Pascal, que de Franc Africa. C'est autant d'arabes en ville le soir que de chicha. Tes ennemis sont nos amis, c'était une pute comme Tati. Tu nous suceras la bite si on passe en Maserati. Garde ta tendance, j'suis pas ta direction. J'pointe le million, pardon, j'ai pas de patron. Général comme Taïr, avec la gold d'un colon. J'fume tous les colons, crache dans tous les colons. C'est la guerre, guerre, on va niquer des mères. Lève la roue arrière et fais péter le ZZR. Pour mes garçons qui représentent comme le frère de Vince. Quand le fils s'envoie les couilles de ta justice. Pour les familles nombreuses, les braqueurs, les braqueuses, dileuses, passeuses, ceux qui montent, ceux qui osent. La passion des Miradors, Emira Tudor. C'est la relève des quartiers nord, Miracoup d'or. Lève la main pour tous les frères qui galèrent. Lève la main, c'est comme nous t'es du terre-terre. Lève la main pour tous les frères qui galèrent. Lève la main, c'est comme nous t'es du terre-terre.